sort de let's play dans un épargne de nuit. Leicester Restriction, à nouveau dans son esprit. Elle rêve encore en Easy Rider de faire le tour d'un monde sans frontières. Finalement, le stress, nous, que reste-t-il de l'amour? Premières éclaircies dans le ciel d'un monde. Reflets de lumière diffuse au travers des ivresses confuses. Oh yesterday, ce day to time, mais l'explain est presque tel. Tel que tu l'imagines, oh. Tel que tu l'imagines, oh. Tel que tu l'imagines, il sera toujours tel que tu l'imagines. Overdose, c'est à peine l'espace dans la pesanteur.